combien? À Francfort, en esquivant la douane, il a eu de la chance, il s'est dit l'enfer s'éloigne. Une pensée pour ses potes qui voyagent à 12 dans un camion citerne et peuvent mourir étouffés. Mais dans son bled, partout c'est la misère, les temps sont raides et y'a trop de vivants sur les civières. Il a tout quitté sans rien dire, y compris la famille, avec 300 euros et juste de quoi s'habiller. Arrivé à Paris, destination finale, son contact l'emmène dans un squat à Stalingrad. Bienvenue dans les bas-fonds, entre tox et leur dit, voleur et bandit pour 10 centimes font une baston. Au bout de 2 semaines, la police vient les déménager. Avec insultes et coups, ils ne se sont pas fait ménager. On lui parle de porte de Saint-Ouen, neuf dans un hôtel. De façon c'est ça, ou la nuit à la belle étoile. Il veut se marier, mais il se rend compte, les filles n'aiment pas les sans-papiers, la méfiance compte. C'est là qu'il rencontre un chercheur d'âme perdu, le genre à faire croquer mais qui se sert de lui. Argent, sexe, drogue, ont toujours fait bon ménage. Un cocktail destroy qui fait même oublier l'âge. C'est les péripéties d'une existence à tourment, regarde le sang trottoir. Aujourd'hui il attend le soir en espérant un client combattant. Mais rien ne sera jamais plus comme avant. Il attend sur le trottoir, les hommes regardant, c'est navrant. Donner de l'amour pour de l'argent. Il attend le soir en espérant un client combattant. Mais rien ne sera jamais plus comme avant. Il attend sur le trottoir, les hommes regardant, c'est navrant. Donner de l'amour pour de l'argent. Bonsoir. Elle vit où l'espoir est moins qu'une lueur. Le temps n'a plus d'heure, a le droit de pleurer que des gouttes de sueur. Sans pudeur, trop déçue, c'est un nouvel avenir qu'elle se décide, prend le dessus. Mais trop facile de refaire le monde avec des si décidés, qu'elle prendrait une des seules occasions sans l'idée qu'elle braderait son amour en location. Une vocation contre son gré, dans laquelle elle a sombré, mais sans blé, elle se trouve esclave d'emblée. Les mêmes rues qu'elle emprunte, entre la grâce et la crainte. Un quotidien insalubre, entre la basse et la plainte. Tout porte atteinte à sa dignité humaine. Elle a 16 ans mais elle en fait 30. Marquée des hommes qu'elle fréquente, parquée dans des zones violentes, marquée par des âmes violées, embarquée par des flics, c'est son innocence qu'on a volée. Traversant les frontières pour finir sur les trottoirs de Paris, elle risque sa vie sur chaque coin de rue où elle atterrit. Un toit de 4 mètres carrés, seule elle souffre et sans salle, entourée de nectarie, mais saine et sauf, c'est l'essentiel. Car c'est pas en laissant le ciel tracer sa destination qu'elle se verra pousser des ailes avec si peu d'estimation. Elle a quitté sa terre de l'Est comme d'autres d'Afrique ou d'Asie pour être accueillie sur une soi-disant terre d'asile. Sur ses gardes, son histoire, c'est la survie qu'on s'attend. Regarde la sur le trottoir, aujourd'hui elle attend. Il attend le soir en espérant un client combattant. Mais rien ne sera jamais plus comme avant. Elle attend sur le trottoir, les hommes regardant, c'est navrant. Donner de l'amour pour de l'argent. Il attend le soir en espérant un client combattant. Mais rien ne sera jamais plus comme avant. Elle attend sur le trottoir, les hommes regardant, c'est navrant. Donner de l'amour pour de l'argent.